Et j'ai envie de dire, quelqu'un qui défie la justesse des intonations, ce serait pas Jérémy Chevalier, par exemple. Alors, transition voilà, incroyable. Exactement, oui. Transition incroyable. Chez Jérémy Chevalier, il y a toutes les intonations. Mm-hmm. Et donc, nous l'avons écouté. Oula, le troisième volet de son trio de pièces sonores réalisées avec des micros réalisés par lui-même et collés sous ses chaussures. Pour une variété de mouvements et de textures. Bref, nous avons eu la forêt, la post-forêt, le parquet, et aujourd'hui, c'est la danse. C'est parti.